Fredo aussi. C'est pour mon frère. Il s'appelle Fred. Allez Fredo. Je veux t'entendre chanter derrière. Pour la P3. Quelques mots perdus dans la nuit. Quelques mots qui traînent à minuit. Quelques mots qui font le cœur de la nuit. Mais la nuit ne faut pas entendre. Non, la nuit ne peut pas. Un ami s'appelait Christophe. Un sens à notre vie, mais il n'est plus en vie. Il nous a fait rigoler, puis s'est effacé sans nous déranger. Et tous les deux, Fred, on a pleuré. Quelques mots perdus dans la nuit. Quelques mots qui traînent à minuit. Quelques mots qui cognent au cœur de la nuit. Mais la nuit ne peut pas s'entendre. Non, Titi, la nuit ne peut pas comprendre. Allez les gars, la guitare. Olivier, Christophe. Dédicace à Olivier et Christophe. Christophe, si tu nous entends là-haut. Quelques mots perdus dans la nuit. Quelques mots qui traînent. Quelques mots qui cognent au cœur de la nuit. Mais la nuit ne peut pas s'entendre. La nuit ne peut pas comprendre. Si tu crois que la nuit n'a pas de peur. Si tu crois que la nuit n'a pas de peur. Pas de peur.